et par lui me fit mourir. La loi était comme un pédagogue. La loi te condamne, elle te révèle que telle chose est un péché et en même temps, la loi te condamne. Deuxième vérité, il y a une contrariété en nous entre la chair et l'esprit. Ça, c'est une réalité que Paul veut exprimer ici. Quand tu acceptes Jésus, le vieil homme est crucifié, mais il n'est pas enlevé. Il y a toujours cette lutte-là entre notre ancienne nature. Je vais parler à quelqu'un. Regarde bien. Tu étais un grand ivrogne, un grand impudique avant de te donner à Christ. Mais maintenant que tu commences à négliger la vie de prière, tu ne sens pas que tu commences à retrouver la même tendance. Tu commences à te sentir attiré à revenir à l'ivrognerie et à l'immoralité. Même à revenir aux anciennes copines que tu avais. Ça montre qu'en toi, il y a deux natures qui luttent. Tu dois savoir cela. Il y a toujours cette lutte entre notre ancienne nature et notre nouvelle nature. L'apôtre Paul dit, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Vous voyez, je parle à quelqu'un. Tu as besoin du Seigneur. Tu sais que commettre l'adultère c'est mauvais, mais tu trompes quand même ta femme. Tu sais que voler c'est mauvais, mais tu te livres au vol. Tu sais que l'ivrognerie est condamnée par Dieu, mais tu n'arrives pas à te débarrasser de l'alcool. L'apôtre Paul dit ceci, au verset 15. « Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. » Verset 18. « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. » Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et il va expliquer qu'il existe deux lois en nous. Une première loi qui nous pousse à aimer le bien, à faire la volonté de Dieu. Mais il y a une autre loi, la loi du péché, nous attire vers le mal. Il dit au verset 21, « Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. » Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. C'est une réalité. Quand on parle du combat spirituel, notre premier ennemi, c'est notre ancienne nature. Toi qui vois toujours les démons, écoutez, ce n'est pas tout ce qui est démon. Il y a ton ancienne nature, ta chair, qu'il faut crucifier. Il faut laisser l'Esprit de Dieu te diriger. Parce que en toi-même, il y a une nature pécheresse et tu te laisses influencer par cette nature-là. Troisième vérité, c'est qu'il y a quelqu'un qui est capable de nous délivrer de ce corps du péché, du pouvoir du péché. C'est Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit au verset 24, « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Trois points de suspension. Mais il dit au verset 25, « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. » En d'autres termes, il voulait dire que celui qui est capable de nous délivrer du péché, c'est Jésus-Christ. C'est celui qui a été cloué sous la croix de Golgotha. C'est celui qui a condamné le péché dans le corps de l'homme. C'est celui qui a été tenté en toutes choses, mais qui n'a jamais commis de péché. C'est celui-là même qui est capable de te délivrer. Il est capable de te délivrer de la haine. Il est capable de te délivrer de la colère. Il est capable de te délivrer de l'immoralité. Toi qui vis dans l'inceste, Jésus est capable de te délivrer. Comment se fait-il que tu sors avec ta propre fille? Tu sors avec ta cousine? Le Seigneur n'est pas content de cela. Tu as besoin de délivrance. Tu vas crier à Jésus de Nazareth. Il est capable de te délivrer de ce péché qui te fatigue. Parce que lui, il est venu pour que tu sois libre. La Bible déclare, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Crie à Jésus et il est capable de te libérer. La vie que tu mènes n'est pas normale. Et si tu sais, toi qui m'entends, que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, sache que tu ne peux pas te transformer toi-même. Il faut que tu donnes ta vie à Christ. Il faut que tu reçoives Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est alors qu'il va te délivrer. Il va transformer ta vie comme il a fait pour Saul de Tarse. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Je voudrais que nous puissions glorifier ce Dieu qui nous a envoyé son Fils Jésus pour nous délivrer du pouvoir du péché. Nous allons chanter ces cantiques pour le louer, pour l'adorer. qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ qui combat pour moi dans mes luttes. C'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, Jésus a parlé. Je veux croire que je puis lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, Jésus a parlé. Je veux croire que je puis lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Je vais à mon Père et ma voix est, c'est Jésus-Christ. Je suis bien heureuse et ma joie est, c'est Jésus-Christ. Et si même dans la souffrance, mon corps me parle d'espérance, c'est que je m'y mets. Confiance en Jésus-Christ. Et si même dans la souffrance, mon cœur me parle d'espérance, c'est que j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ. Sauveur, je ne me glorifie qu'en Jésus-Christ. Pour la terre et les cieux, ma vie, c'est Jésus-Christ. Bientôt à Dieu chose mortelle, loin de vous je prendrai mes ailes vers les demeures éternelles, vers Jésus-Christ. Bientôt à Dieu chose mortelle, loin de vous je prendrai des ailes, vers les demeures éternelles, vers Jésus-Christ. Sauveur, je ne me glorifie qu'en Jésus-Christ. Pour la terre et les cieux, ma vie, c'est Jésus-Christ. Bientôt à Dieu chose mortelle, loin de vous je prendrai des ailes vers les demeures éternelle, vers Jésus-Christ. Bientôt à Dieu chose mortelle, loin de vous je prendrai des ailes, vers les demeures éternelles, vers Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Élève ta voix là où tu es. Bénis le nom du Seigneur, le Dieu qui délivre, le Dieu qui sauve. Bénis-le. Sur la brèche, la Nous te bénissons, Seigneur Jésus, toi qui nous as délivrés du péché. Tu es celui qui a vaincu le péché. Tu as vaincu la mort, tu as vaincu le monde. Et tu nous as donné le pouvoir de vaincre aussi. Nous te bénissons, ô notre Dieu, notre Seigneur. Toi qui as déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. En le clouant à la croix. Tu es celui qui nous a rachetés à grand prix. C'est pourquoi nous t'élèvons en ce moment. Nous te glorifions, nous te magnifions. Oui, Seigneur, tu es celui qui nous a conduits à la vie. Merci pour la vie éternelle que tu nous as donnée. Que l'honneur te revienne, notre Seigneur, notre Dieu, toi qui es notre victoire. Merci au Seigneur de nous avoir rachetés de la loi du péché qui conduit à la mort. Béni sois-tu, ô notre Dieu, notre Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous rappelons que nous sommes à l'émission OSB, Opération sous la brèche. Le texte du jour, c'est Romains chapitre 7. 7 à 25. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site web www.radiofréquencevie.com. Nous venons de voir ici dans ce passage la réalité du combat spirituel en nous. Il y a une lutte entre notre ancienne nature et notre nouvelle nature. C'est ce que Paul dit, il y a une loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Tu vas prier, mon ami. Tu vas prier, ma sœur. Peut-être que tu commences à te sentir encore attiré aux choses que tu as abandonnées. Tu commences encore à te sentir dominé par la colère. Tu n'arrives pas à maîtriser la colère. Parce que tu laisses l'ancienne nature dominer en toi. Tu vas prier le Seigneur afin qu'il puisse t'aider. Oh, à te conduire selon l'esprit et non selon la chair. Au nom de Jésus. Et que tu marches victorieux au nom de Jésus. Éternel des armées, béni soit ton nom, notre rocher qui exerce nos mains au combat, nos doigts à la bataille. Toi qui es notre bienfaiteur, notre forteresse, notre haute retraite et notre libérateur. Ce matin, nous nous tournons vers toi et nous bénissons ton saint nom. Nous prions au Père éternel et nous demandons que tu nous donnes cette force pour combattre les obstacles de l'ennemi. Donne-nous la force au Père éternel pour prendre autorité sur tout esprit qui n'est pas de toi. Nous prenons autorité sur toute forme d'impatience au nom de Jésus. Nous prenons autorité sur toute forme de colère dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que l'esprit de douceur, l'esprit de tempérance soit notre portion. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous déclarons que tout projet du diable, toute manipulation du diable tendant à nous pousser, à nous adonner aux œuvres de la chair est lié dans le nom puissant de Jésus. Nous prenons autorité sur toute force contraire à notre volonté. Nous prenons autorité sur toute puissance contraire contraire à la communion avec toi, dans le nom de Jésus. Tout ce qui vient de l'ennemi, tout ce qui a été projeté pour nous empêcher de communier avec toi, pour nous empêcher de marcher dans tes voies, nous prenons autorité et nous les déclarons nuls et de nul effet dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père éternel, parce que tu nous donnes la force sur nos ennemis, parce que tu nous donnes la force de marcher par la foi et non par la vue. Merci pour toutes choses. Que ton nom soit béni et glorifié. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir que c'est Jésus seul qui est capable de nous libérer de cette vie-là. L'apôtre Paul dit, qui me délivrera du corps de cette mort? Il dit, grâce soit rendue à Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est non seulement capable de nous délivrer de ce corps charnel, de notre vieil homme pour qu'il ne domine pas sur nous, mais il est capable de nous délivrer de tout ce qui est lien, des liens charnels, des liens qui te fatiguent. Il est capable de te délivrer. Oh, tu vas crier au Seigneur maintenant. Tu dis, Seigneur, viens délivre-moi. Quel est ce péché qui te fatigue? Tu n'arrives pas à l'abandonner. Ça fait des années et des années. Que le Seigneur te délivre. Je vais demander à un jeune, regarde-moi, tu souffres de la masturbation. Oui, le Seigneur est capable de te délivrer. Ce n'est pas normal. Demande au Seigneur, maintenant même, il veut te toucher, il va te libérer pour que tu sois totalement libre. Prions le Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans la joie ce matin parce que Jésus-Christ est venu dans ce monde pour sauver les pécheurs, libérer les pécheurs et non les justes. Et nous faisons partie de ces pécheurs. Gloire à toi, Seigneur. Sur la croix, tu as dit « Tout est accompli ». Merci, Seigneur. Mais le péché fait pression. Nous sommes obsédés. Nous sommes influencés. Notre corps charnel a des désirs que nous n'arrivons pas à maîtriser. Nous venons à toi ce matin. Nous t'apportons ceux qui vivent dans la fornication, dans la boisson, la cigarette, la drogue. Toutes ces pratiques, Seigneur, qui ne t'honorent pas. Or, ce corps est le temple du Saint-Esprit. On n'a pas le droit de livrer ce corps au péché, au désir charnel. Nous crions vers toi. Nous voulons t'apporter tes enfants qui croupissent, qui gémissent, qui soupirent et qui ont des difficultés à abandonner le péché. Or, tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous délivrerai. Seigneur, libère ton peuple, libère ton peuple, libère ton peuple de la domination du péché, du pouvoir du péché, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour la radio Fréquence Vie, afin que partout où la radio diffuse ses émissions, que ce soit dans les stations de l'intérieur, que ce soit par Internet, que toutes les personnes qui entendent l'Évangile soient convaincues de leurs péchés, soient libérées par la puissance de l'Évangile, afin qu'elles connaissent la transformation que Jésus-Christ apporte. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. gloire, gloire à toi, notre Dieu. Gloire à toi, notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a sauvés, qui nous a libérés de tout péché. Gloire au Saint-Esprit qui nous conduit en ce moment précis. Père, ce matin, nous voulons te prier pour la radiofréquence vie, pour la diffusion des émissions. Nous te prions pour toutes les stations de la radiofréquence vie à Abidjan, à Bangourou, à Ma, à Boaké et à Yamoussoukro. Et nous te prions aussi pour tous nos internautes, tous ceux qui écoutent la radio via le net. Père, nous prions que par les ondes de la radio fréquence vie, tu les convainques de péché, tu les touches, Seigneur, que des âmes soient converties, que des âmes soient sauvées, que des âmes soient restaurées, que des âmes soient édifiées par l'onction du Saint-Esprit qui s'opère par les ondes pour que ton œuvre soit accomplie. Merci Seigneur notre Dieu pour cette qualité d'auditeur que tu fabriques, que tu façonnes par la radio de fréquence vie. Merci pour ton œuvre, merci pour ta grâce, merci pour ta bénédiction qui est infusée par les ondes. Merci Père parce qu'une multitude se convertit et se donne réellement à toi. Viens à toi et te sers dans les églises vivantes qui te les orientent. Merci pour ta grâce qui encore amène quelqu'un à être touché aujourd'hui, amène quelqu'un de changer de camp, d'abandonner ses services et de revenir à toi. Merci pour tes diverses visitations au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Lui, le Dieu qui nous libère. Je voudrais rappeler que nous n'aurons pas notre rencontre bonheur conjugal ce dimanche 21. Nous aurons notre rencontre de couple marié le dimanche 28 février à partir de 17h. Et nous allons développer ce thème, la réalité du combat spirituel dans le mariage. Nous avons commencé ce thème la fois dernière. Nous avons vu comment le diable, il crée la division, comment les démons sont à la base de beaucoup de problèmes qui conduisent même le couple au divorce et comment nous pouvons les combattre spirituellement et en être vainqueurs, victorieux dans le nom de Jésus. L'entrée est libre à partir de 17h au CPE dans la même cour que la radio fréquente. Grande vie. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance.